Yes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à ce 22e épisode du No Form Grooves Éclectique qui ce soir sera dédié intégralement aux deux Congo. Donc c'est le spécial Congo numéro 3. Donc comme on vous avait dit précédemment, le premier lundi de chaque mois, on va vous proposer un spécial Congo qui sera véritablement le prolongement en fait du travail de la Société des Ambianceurs. Donc bienvenue à vous donc dans ce No Form Grooves Éclectique présenté comme d'habitude par la Société des Ambianceurs. Enfin ce soir 50% de la Société des Ambianceurs, votre cher et humble serviteur, le fils de Bizet de France et qui est Petit Bizet. Voilà, donc ça me fait énormément plaisir de vous retrouver là après avoir commencé en retard. Quelques petits couacs au niveau du matos comme d'habitude, mais il y a aucun problème. On va partir tout de suite là donc avec un petit morceau qui vraiment me tient à cœur. Tikela Nangai Mobali de l'orchestre Bella Bella. Alors, faut savoir que je suis tombé amoureux de ce morceau il y a pas très longtemps là, parce que je l'ai découvert via une vidéo de YouTube il y a quelques mois. Et j'ai cherché donc pendant des semaines et des semaines le titre de ce morceau. Et je l'ai trouvé donc grâce à l'excellent site d'information congolais Mboka Musica, donc qui est un site derrière lequel se cache mon grand frère Messager. Donc Messager et à tous les Mbokatiers, déjà d'une part Mboten Abeno et surtout une grande dédicace à vous, et j'espère que vous vous portez bien là-bas au pays. Nous en tout cas ici on pense à vous. Allez, trêve de bavardage, on est parti tout de suite donc avec Tikela Nangai Mobali de l'orchestre Bella Bella. Donc c'est une chanson qui date de 74, qui a été écrite par Soki Diasenza, mais malheureusement il ne l'aura jamais chanté. Bref, allez, c'est parti. Bye. chérie habite matin bon boulot. Oh baby moi nana baby ça n'est pas chance à l'ébalaye. Bon bobito yébate n'est qu'un ali n'a caillé. Atalinga asekie sheria okimpimbo ya mafuta ya buwayo abeli malade ya waya waya polotwae polotwae okalika moe mkana alembi ebelite abosani koki ya mungwa na basenzie prese eleka ye na bareunio ya musikie na bundi na mpondu lokola nta bakoli ya nkasa ye mwasi alambeli ngai nzombo na saladeo abuki mobeko ya bilengie omelengila ye alobi moto ya boayo ezalaka na misuni nsambo moseke asilisi moto lopele asukoli ndeko sukola atikeli nga suku na mokongo lomboto yelaka tuka kala lomboto mwasi asilisi liboke ya nkoba eloko bankoko bayambaka nango mopaya na ngai maya miso ebimaka te soki akolela nzoka nde esheri abuka bikila ye mwasi aoki elengi ya mafuta ya nkoba ye akomi prese elokola mopepe o jango okalikango jango mwasi ale moto ya nzombo ye abanga lisusu mobali te bandeko e apakolingola lobi nga napekisa ye te o mwasi asengi ngai liberté sheri ayoki sekele ya yenzenze abuki mobeko ya bonkoko ilonse o bampangie tielanga mosaka ya coopération ata na embi kimongo mwasi aokanga iteo aoki elengi ya entendeo mwasi ale moto ya boayoe abanga lisusu mobali te bandeko apakolingola lobinga na pekisa ye eteo mwasi asengi ngai lipanda na ndako e mwasi ale moto ya boayoe abeli malade ya wayawaya e sebeneo nyanguma yeye sakana yeye ukaloketo oyo mundule yoko nyanguma sakana muke seka muke cooperation mbela yeye mundule ya tembe cooperation suka mabina yo en direct, donc après ce superbe boao du super groupe Tiers-Monde Coopération, donc pour l'album Nouvelle Formule. Tiers-Monde Coopération, si je dis pas de bêtises, c'est une espèce de formule qui prend son origine, il me semble, dans l'esprit d'Empompolo Loé, je crois. Et donc, pour cet album-là, il s'associe donc à Ndombe Opetum et Samangwana. Donc il nous propose le superbe Boao qui est écrit par Samangwana. Et donc avec la chanson Tiers-Monde de Ndombe Opetum, Omesongo d'Empopo et Ngingong de Ndombe aussi. Si je dis pas de bêtises, c'est quasiment même un label, on pourrait appeler ça un label, donc sous Tiers-Monde Coopération, il doit y avoir 4-5 albums sortis et quelques maxi 45 tours aussi. Voilà, donc on en passera peut-être un autre d'ailleurs si j'ai le temps, justement, donc une chanson de Dempopo que j'apprécie particulièrement. Samangwana on le présente plus, hein. C'est un superbe artiste, une voix magnifique et puis un grand monsieur, un grand chanteur qui aura en fait posé sa voix, qui aura chanté avec quasiment tous les plus grands artistes des deux Congo, quoi. Respect pour Samangwana. On va retourner du côté de Brazzaville et plus précisément même dans le quartier de Bakongo avec donc Zao qui en 1983 donc sort le titre maintenant qui est un classique ancien combattant. Voilà, donc c'est très triste, mais En même temps, c'est une chanson qui plus que jamais est d'actualité. Là. Et alors, c'est un vieux disque. J'espère vraiment qu'il n'y aura pas de soucis autre que la friture qu'il y aura, quoi. Allez, on est parti avec Ancien combattant de Zao. Mwangaze militaire, mwangaze militaire, moi pas besoin galop, soutez-moi du riz. Serza Masamba, trahir mwangasa kapurar mitsotso, la guerre pour moi yebo serse bosoro. Yisatra, tete mwaga trema sir frinsa tumpa kuba limbani, komanda kafua mena kudo kwani mutu. Beto ba militaire, beto ba militaire, muntu sakana, tu kubri kweto. Moga pepe, moyinga kanga kwe. Moga pepe, moyinga kanga kwe. Makele pas, un, deux, on sait combattant, on a soukere. Makele pas, et un, deux, on sait combattant, on a soukere. Tu ne sais pas que moi je suis ancien combattant. Moi je suis ancien combattant, j'ai fait la guerre mondiale. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Kamala Rouaï. Dans la guerre mondiale, il n'y a pas de Fidje, mon ami. J'ai tué Français, j'ai tué Allemand. J'ai tué Angélais, moi j'ai tué Tchécoslovaque qui m'a qu'elle pas. Et un, deux, on s'est combattant, on a souqué, m'a qu'elle pas. Et un, deux, on s'est combattant, on a souqué. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. Quand vient dans la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand vient dans la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand la balle est sifflée, il n'y a pas de choisir. Si tu fais pas Michangi, mon cher Eho, y'a cadavéré. Avec le coup de matraque, tout ta poupa t'attra, cadavéré. Ta femme est cadavéré. Ta mère est cadavéré. Ton grand-père est cadavéré. Ton père est cadavéré. Tes enfants cadavéré. Les rois cadavéré. Les reines cadavéré. Les empereurs cadavéré. Tous les présidents cadavéré. Les ministres cadavérés, les gardes-corps cadavérés, les montagnes cadavérés, les militaires cadavérés, les civils cadavérés, les policiers cadavérés, les gendarmes cadavérés, les travailleurs cadavérés, les sommaires cadavérés, tes chéris cadavérés, ton premier bureau cadavérés, ton deuxième bureau cadavérés, la bière cadavérés, le champagne cadavérés. Le whisky cadavéré, le vin rouge cadavéré, le vin de palme cadavéré, les soulards cadavéré, music love cadavéré, tout le monde est cadavéré, moi-même est cadavéré. Maquelle pas, y'a un, deux, on s'est combattant, on a soukiri. Maquelle pas, y'a un, deux, on s'est combattant, on a soukiri. Pourquoi la guerre, pourquoi la guerre, pourquoi la guerre? La guerre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient dans la guerre, tout le monde affamé, oh. Le coq ne va plus le coquer, cocorico. La poule ne va plus le poulet, poulet les œufs. Le footballeur ne va plus le footer, pousser les ballons. Les joueurs cadavérés, les arbitres cadavérés, le sifflet cadavérés, même les ballons cadavérés, les équipes cadavérés. Le noir est cadavéré, les palais du Congo cadavéré, Cara cadavéré, les lions indomptables cadavéré, les léopards cadavéré, les diables roses cadavéré, les journalistes cadavéré, la radio cadavéré, la télévision cadavéré, les stades cadavéré, les supporters cadavéré. Thank you. ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La bombe à neutrons, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. La bombe atomique, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Les pershings, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. HH20, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quand vient à la bombe, tout le monde est bombé, oh. Quand vient à la bombe, tout le monde est bombé, oh. Ton pays bombé, l'URSS est bombé, les États-Unis bombé, la France est bombé, l'Italie bombé, l'Allemagne est bombé, le Congo bombé, le Zaïre bombé, l'ONU bombé, l'UNESCO bombé, l'ONU bombé, mes bœufs bombé, mes moutons bombé, mon cousinier bombé, tous les cuisiniers bombé. Ma femme est bombée, les taxis-man est bombée, les hôpitaux bombés, les malades bombés, les bébés bombés, les poulaillers bombés, mes coques bombés, mon chien bombé, les écoles bombées, ma poitrine bombée, tout le monde est bombardé. Mes amis, tenons-nous la main dans la main. Jetez vos armes, jetez vos armes, jetez vos armes. Tenons-nous la main dans la main. À ce que tu voyais français, bonjour. À ce que tu voyais anglais, good morning. À ce que tu voyais russe, Strasbourg. À ce que tu voyais allemand, guten Tag. À ce que tu voyais espagnol, Buenos Dias. À ce que tu voyais italien, bonjour. À ce que tu voyais chinois, hey ho. À ce que tu voyais belogar, dobre deux. À ce que tu voyais israélien, shalom. À ce que tu voyais égyptien, sabakara her. À ce que tu voyais sénégalais, nanganef. À ce que tu voyais malien, Anisokuma. À ce que tu voyais Nigérien, Karo. À ce que tu voyais Mauritanien, Aradouna. À ce que tu voyais Togolais, Afo. À ce que tu voyais Swahili, Jambo. À ce que tu voyais Tchadien, Lale. À ce que tu voyais Malagas, Manahona. À ce que tu voyais Centrafricain, Mibaramo. À ce que tu voyais Camerounais, on envoyait. À ce que tu voyais Gabonais, Mbolo. À ce que tu voyais Congolais, Mbote. À ce que tu voyais Zaïrois, Mbote Nayo. Makeleba, 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Makeleba, 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Makeleba, 1, 2, on s'est combattant, on a soukéré. Makeleba, 1, 2, ancien combattant, Bouddha Zoukiri. Na yebite, na yebite. ngai na ye mama, kutika ngai na ye mama, bolingo ya ngai na yuyu na ngai ye, suba seliwa. Avec le titre You You, que vous pouvez trouver sur les excellentes compilations, en fait, les pionniers de la musique congolaise de Léopoldville à Kinshasa, donc sous Bankolo Miziki. Donc, ça, c'est l'anthologie volume 2, donc avec. Donc, il y a marqué 73 pour l'année. Alors, je suis pas vraiment sûr. Je suis pas vraiment sûr de l'année. Après, donc, peut-être quelques petites précisions sur Bankolo Miziki. Il me semble que c'était un projet lancé en fait par ce qu'on pourrait appeler le ministère de la culture de l'époque, qui en fait essayait donc de promouvoir les artistes locaux. Donc, ils avaient fait une espèce de super groupe, voire même un super label, donc dans lequel donc on pouvait trouver donc Lucie Yenga, mais aussi donc aussi Wendo Colossoy, hein, qui est le père un peu de la rumba comme ça, et donc il y a eu toute une série d'enregistrements donc dont ce You You, et puis bon tout plein de titres après que vous pouvez encore trouver sur cette superbe compilation, le Toko Wela Wela, Kasomda, Kitambala Moko, Mama Boti Bisso, enfin. Donc avec des artistes comme Adou Ilenga, Ferouzi Camille, D'Olivera Manuel, donc Antoine Wendo Colossoy, Bukasa Leon. Voilà, ce sont des petites compilations qui sont excellentes parce que malheureusement la plupart de ces sons-là, on les trouve pas en vinyle, donc pour les collectionneurs comme moi, c'est un peu frustrant de pas pouvoir avoir ces petits bijoux comme ça historiques dans leur format originaux, mais le CD ça fait le taf, donc y a pas de problème. Voilà. Pour la suivante c'est un peu un crève-cœur dans le sens où Donc, vous le savez, hein, nous, la société des ambianceurs, on essaie de faire un peu la lumière sur la rumba classique, donc des années donc 50 à début 80, c'était vraiment de la musique entièrement vraiment instrumentale. J'entends aucun accessoire électronique type synthétiseur, etc. Mais la suivante, donc c'est je vais passer Civilisé de Koffi Olomidé, donc sur l'album Les Prisonniers dorment. Alors c'est ultra tardif, hein, c'est 1990. Voilà, avec le Kofi du début des années 90 ou 90 pour nos chers amis français, c'est un Kofi qui s'éloigne quand même de plus en plus vraiment de la rumba originelle pour essayer de faire une espèce de musique un peu pop comme ça, donc c'est beaucoup de synthétiseurs, beaucoup de petits bruitages, etc. Mais musicalement ça reste encore bon parce que il arrivait quand même à s'entourer des plus grands de l'époque, quoi. Donc aux arrangements et la basse, on peut noter Manu Lima, Touré Aladji, Mike Anmounan. Aux guitares, donc Ringo Starr, enfin j'entends, c'est pas n'importe qui. Donc voilà, c'est quand même un peu déroutant pour toutes les personnes qui nous suivent et qui savent qu'on aime bien entre guillemets la vieille musique, de se retrouver justement avec une chanson aussi contemporaine. Mais bon, c'est une très jolie chanson, donc Civilisé de Kofi Olomide L'Orfèvre sur l'album Les Prisonniers dorment. Encore une fois, j'espère que vous passez un excellent moment pour ce troisième épisode spécial Congo, No Form Grooves Éclectique, musique incendiaire pour mélomane, pyromane. Oka. Kizi douleur, l'icolo a malheur, nanga. Ngoke oyo gyata mawate sekoni kolenga na bio pe mama simanga simanga simanga teke ndenge ole pe boni na seki yo na fante seko ma confiance mon de la salie se waya na bose la suka teki na yo kosa mama e pe boni sekoni kolenga na bio pe mama simanga simanga simanga teke ndenge Just de retour en direct après ce super Eve Laïda de Monza Premier. Donc Monza Premier qui a, si je dis pas de bêtises, qui a commencé sa carrière dans le groupe Shockstar, donc qui est une des qui est un des groupes en fait qui originellement est issu de Zaiko Langa Langa. Donc là encore des précisions à avoir. Donc alors déjà dans un premier temps sur l'artiste Monza Premier, je vous renvoie à un superbe article qui date d'il y a 3-4 ans maintenant sur le site Boca Musica, justement qui parlait un petit peu de l'actualité de Monza Premier. Et puis pour Shockstar, donc qu'il me semble, si je dis pas de bêtises, ce sont quelques protagonistes, hein, qui ont fait scission à partir de Zaiko. Il me semble que c'est ça, mais je vous renvoie aussi volontiers donc à demander quelques précisions toujours à Grand Messager sur le site Boca Musica, mais pas qu'à Grand Messager aussi, hein. Vous pouvez donc aisément demander à n'importe quel homme bocatier, il ou elle se fera un plaisir de répondre à vos questions. Hop là, donc là on va toujours continuer dans notre trip rumba congolaise, hein. La rumba de Kinshasa, anciennement Léopoldville, mais aussi celle de Brazzaville. Donc là on va repartir avec un petit Maya Oula Mayoni Don Pedro. Donc avec la track très triste, hein, Liwa. Donc Liwa c'est la mort. Voilà, donc c'est sur l'album Misélé. Et la particularité donc de cet album, c'est qu'il est joué intégralement par l'orchestre tout puissant OK Jazz de Franco. Voilà, j'ai malheureusement pas de date exacte à vous communiquer, mais sachez en tout cas que c'est si je dis pas de bêtises, c'est début des années 80, ça. Voilà, nickel. Donc là on est reparti avec Liwa, donc composé par Maya Oula et interprété par Malaj. C'est parti. Liwa, kamata kanyo susuki ya deside Liwa. kaka ne nzoto oyo epusaka kimbuni okokamata ne nzoto oyo bakokunda lobi na ilita okokamata ne nzoto oyo lobi ekosonga mabele lifuta e bongo nzoto e akamoki koza la victime ya basuzi na bafuka bongo nzoto e akamoki koza la victime ya baini na balumi e bongo nzoto e akamoki Ania sanga motema ya kosani sabato Mokili zungulu ken mama Kompike hey Mokili zungulu ken mama Kompike hey Mokili tapale ya sao Mama lele, mama ma. Mama lele. Mama lele, mama ma. Mama lele. Mama lele, mama ma. Mama lele. Mokili zungulu keng oye, mindono he he. Mokili zungulu ke mama, mokili ke he. Mokili zungulu ke nana, mokili ke he. Mokili. Nana bokola ki mwana yankoi Na banza kinyau Mokili zunguluke mama Mopinike he Nana bokola ki mwana ndeya sombo Na banza kingulu Mokili zunguluke mama Mopinike he Le monde très compliqué mama C'est pas la peine Mokili zunguluke mama Bato ya likundu bato ndingo kahoyo Mopilike Mokili zunguluke mama Mopilike Na mokili nana kapongi yanguma Mopilike Mokili zunguluke mama Mopilike La Zunguluke, donc Mpopoloé, donc c'est sur donc un album donc Tiers Monde coopération. Donc là, je m'avance pas en me disant que l'année c'est 84 hein, parce que c'est écrit justement sur sur la pochette du disque. Donc ça c'est le ce sera donc le volume 2, donc toujours d'après la pochette du disque, enregistré à Yadé, hein, donc du côté de Mafuta à Brazzaville. Alors, la petite anecdote là, sur ce morceau, c'est que Je l'ai découvert en fait sur un album du super groupe 4 étoiles. Donc l'album, alors attendez, je vais essayer de vous retrouver le titre. C'est donc Sangonini en 94. Donc justement, il reprenait sur cet album-là, ils reprennent quelques standards en fait de chacune des étoiles qui composent ce groupe. Donc les quatre étoiles sont Bopol, Niboma, Siran et Wutamai. Donc dans cet album, dont je pense qu'on prendra le temps de passer quand même quelques titres lors d'une prochaine émission. Donc vous pouvez retrouver donc en plus de ce Zunguluke, le Papi Sadolo de Sodolo de Denis Boma, on pouvait retrouver Loi de la nature de Wutamai, et quoi d'autre encore, tac tac, et le Omba aussi de Niboma, donc qui est un, si j'ai pas de bêtises, ça c'est un titre originellement des Kamalé, mais ça encore c'est à besoin d'informations pour ça. Allez, là on va retraverser la rive et on va repartir donc du côté de Brazzaville avec l'orchestre Le Peuple et le trio Sepakos. Donc c'est Célestin Kouka, Pamelo Munka et Cosmos Mutuari. Et là donc le titre c'est Tango y a la vie. Donc c'est j'ai pas de date exacte malheureusement pour ça, mais c'est 76 ou 77, hein, donc voilà. Bon, l'essentiel est ailleurs de toute manière. Ce qui compte, ce qui prime, c'est la musique. Et là, en l'occurrence, elle est magnifique. Allez, c'est parti. Tambola, nazali kolute na pasi ya la vie, lokola moto nyonso azali kolute. Tango yango wana ebongi tosalisana mama, tosalisana papa, tosalisana mama, tosalisana papa. Mokolo toko kufa, dine zali lisusu te. nangana ilongi ya mawali boso ya ebembe nangai makoye bate nani ya inaki monika mokolo na kongu fatine zalili susu teo oh tosali sana tango ya la vie mokolo tango kufatine zalili susu teo. Tango ya la vie ezali moyi ekongenga tango yango ezali pe tango ya bambanda lelo oseki ngai lobi ekoyela yo bandeko. bosa ngai Simba ya mbula moka mba bosa ngai Nasala makasi awa nazali kando na bongo Moi si Azali Boite, Kumbi Sande Konayo, nzande kona yo mwasi parce que azali mutu ole obenga ye lokola makako ou bien ezali mabe remonte moi la musique. Penalty du groupe du trio Majesi avec l'orchestre Sosolisso donc sur le disque Trio Majesi volume 1. C'est dommage hein, parce que c'est un disque. Le volume 2 aussi a ce défaut, c'est que bah, c'est très mal enregistré. Alors je sais pas si ça vient du pressage et du mastering du label africain ou si c'est un défaut justement qui date des sessions studio, mais les pistes sont vraiment mal calibrées quoi. On a tantôt trop de voix et ou alors trop d'instruments, enfin c'est bizarre, mais bon, l'essentiel est ailleurs. Encore une fois, là on va se faire plaisir avec un petit orchestre succès bantou. Et la chanson Lissasso. Donc c'est alors j'ai pas la date exacte pour ça aussi, mais ça doit être 74-75. Mais bon voilà. Alors on se fait plaisir avec ce Lissasso de l'orchestre Succès Bantou. C'est parti. Oh, ngwa na ke ikomera na nganda Elali lokola na ebisi soki na zongi te Bola nangalo bina tongo na nganda ya di moruma Na boi komande ma tika na seka na mote marange lingi boye Na lingi te boti yanga panzi likolo boye Na ke inde kosilisa mawananga Yeah, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, mama, mama Yeah, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, mama, mama Yadaya Diallo de Taboulé Rochereux de l'orchestre African Fiesta 66. Donc ça, c'est trouvable sur la compilation L'Afrique Danse numéro 2 qui est sur cette compilation on trouve majoritairement des titres de Rochereux mais aussi de Johnny Bokelo et de Robin et de Lassé et l'orchestre Los Angeles. Voilà, donc une superbe compilation. Il y a encore quelques copies disponibles sur certains sites de vente en ligne pour pas très cher en plus, donc pour les collectionneurs, je ne peux que conseiller. Et voilà, bon, on arrive tout doucement à la fin de ce 22e No Form Grooves éclectique et ce 3e épisode spécial Congo. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un superbe moment en notre présence, que vous avez pu bien apprécier encore plus justement la musique des deux Congos, donc Zaïre, maintenant RDC, République démocratique du Congo, et la musique de la République populaire du Congo, Congo-Brazzaville. Et là, on va partir donc avec Yoke de Mbele Mondo et le groupe Mizoto Wela Wela. Et puis je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Là, je sais pas encore si on va vous proposer tout l'été là, des émissions de manière régulière comme on l'a fait jusqu'ici. Suivez-nous en tout cas, regardez bien un peu sur le site du label ou même sur notre page Facebook. Et là, de toute manière, vous aurez toutes les informations. Bon, en tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'ici. Donc, je repasse encore une dédicace à, à Grand Messager, tous les Mbokatiers, à mon compère le docteur Pili Pili qui est au boulot. J'espère que c'est pas trop le, j'espère que c'est pas trop la foire au foyer ce soir. Et je vous dis donc, je vous souhaite de passer une excellente soirée, une bonne semaine et éventuellement la semaine prochaine. Et dernière information, sachez que ce samedi on passera de la rumba à la pointe. Donc ça c'est pour les Genevois, donc sur les bords du Rhône. Allez, portez-vous bien. À plus tard. Wasaba, wasaba, wasaba. Kika kosala ngai boye oyoke Simba no boko poto luka ya biso libota Yoke yo kanisa mapasi yo mwana zai Nalalaki, nalalaki na kwiki ya yalamu Sheri ya kene mobembo na lome Sheri ya kene mobembo azonga kate Mama kene mobembo azonga kate Nasiri si bandoto nyoso na kolotaka Ngai na tunandi mbola na nanye Yoke yo yo Ika kosala ngai boye oyoke Simba loboko poto luka ya biso ni mota Yoke yo kanisa bambazi yo mwana zai Banana eva zuwe sila katena basi Toli ambu manzambe toko sukae na lafe Ata ozimo susu Yoke yo kanisa mwana mburu mwana mburu Ika kosala ngai boye oyoke Simba loboko poto luka ya disori mota Mwana mburu Yoke yo kanisa mpazi yo mwana zai Nalalaki, nalalaki na kwitie ya lamu Ngai nalalaki na kwitie ya lamu Katendia kene mobembo na lome Mwana mbura kene mobembo na kotonu Lasisa kene mobembo na bicha Ngai nalanda iwepi na lome Nasiri siba noto nyoso na kolotaka Nana tunandi mbola nananye Mwana mburu nanga Ika kosala ngai boye oyoke Simba loboko poto luka ya biso libota Yoke yo kanisa mapasi ya mwana zai Banana eva zume sila katena basi Toli ambu manzame toko suka ena lafe Ata ozi mosusu mwana mburo kanisa joro ye Ika konsala ngai boye oyoke Simba loboko poto luka ya biso limota Mwana mburo ye Yoke yo kanisa mabasi yo mwana zai Wasaba, wasaba, wasaba, wasaba.

buru mara buru mara buru papa Abidjan La système en tena o La danga ina Abidjan papa La danga ina kotenue Mara buru mara buru mara buru